Bonjour à l'écoute du journal Sans Papier sur Radio Panique ou sur Radio Campus, puisqu'il est rediffusé sur Radio Campus sur 107.2. Le journal Sans Papier qui passe donc ce soir le lundi, qui repasse vendredi. Vous pouvez nous écouter vendredi aussi à 9h sur Radio Panique. Radio Panique dont l'adresse est radiopanique en un mot .org. Et vous pouvez nous contacter, vous pouvez contacter la rédaction de ce journal Sans Papier à papier au singulier at radiopanique en un seul mot .org. Je répète l'adresse papier au singulier at radiopanique.org. Ceci dit, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Nous avons l'extrême plaisir ce soir de recevoir Flo et Alex. On est accueillis par les cloches, ça c'est fort. Hein. Ça c'est une synchro. C'est parce qu'on démarre toujours à l'heure, on est vraiment des coucous suisses. Flo, comment je peux te présenter? Flo, c'est le frère des sangs. Je suis curieux de voir comment tu vas me présenter. Alors c'est un type un peu grand, avec de la barbe en général, un côté un peu mousquetaire comme ça. Ça, on peut dire ça. Et voilà, c'est Flo, des frères de sang. Alex, c'est quoi, un ex ou un occupant? Un occupant. Moi, je me considère toujours un occupant parce que je suis toujours sans papier. C'est un occupant de l'église Saint-Bernard. Et on est très heureux de les recevoir ce soir pour justement parler un peu de cette église de Saint-Bernard à Saint-Gilles qui a fêté il n'y a pas longtemps, c'est un an d'occupation et qui les a fêtés donc le 10 mai. Oui, c'est ça, ouais, le 10 mai. Et on va écouter un premier reportage en fait qui est un peu spécial parce qu'il a été réalisé donc dans le cadre des ateliers, des nombreux ateliers qu'il y avait le 10 mai à Saint-Bernard. Et où on proposait aux gens de prendre le micro et d'enregistrer des sons, de faire des interviews, de s'interviewer entre eux. Et donc voilà, on va écouter un petit extrait de 2h30, 3h de sons qui ont été enregistrés ce jour-là, le 10 mai, à Saint-Bernard. Je m'appelle Fouad, et je suis l'un des occupants de l'église Saint-Bernard. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Abdelhak. Tu peux nous dire quelque chose sur l'occupation? L'occupation de Saint-Bernard? Ouais. L'occupation de Saint-Bernard, d'habitude, a commencé en mois de juin. Le 1er de juin, ça sera un an d'occupation. C'est une occupation parmi d'autres qui sont de part et d'autre en Belgique, de sans-papiers qui veulent de plus en plus se visibiliser à travers leurs problématiques et leurs souffrances. Voilà quoi, et on milite pour nos droits quoi. On arrête d'être des sans-papiers. Ouais, nous aussi on a le droit de vivre, nous aussi on a le droit d'avoir des papiers, nous aussi on a le droit de ne pas dormir dans la rue, d'avoir une maison, on a le droit d'exister quoi. Les ateliers sont ouverts si vous voulez cuisiner, si vous voulez dessiner, il y a un grand pâté par terre, c'est génial si vous dessinez, c'est un dessin. Vous pouvez participer aussi ou vous faites quelque chose avec il y a une caméra, vous pouvez filmer, il y a du son, elle prend le son. Il y a de la peinture, il y a plein de trucs. Quoi. Et toi, on dit plutôt que de... Oui, plutôt que de présenter quelque chose. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un échange. Accueillir, tu vois, accueillir les richesses des gens, quoi, tu vois. Mettre ensemble. Comme on dit, comme les politiques ils disent toujours, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais non, on va accueillir toute la richesse du monde, quoi, tu vois. Des sans-papiers, des pas sans-papiers, des... Oui, c'est super. Mais oui, voilà. On va participer. Alors c'est ça l'idée, quoi. Bonjour, vous appelez comment? Eduardo Ramos. Ok. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à l'église Saint-Bernard? Ben, je viens visiter un peu votre mouvement, enfin, voir comment ça se passe ici. Okay. Puisque moi-même, je suis légal, alors ça m'intéresse voir ce qui se passe autour de quelque chose qui affecte la société. Ok, donc qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Là, je suis en train de monter et redémonter des cadres pour mettre des affiches sur les activités, qui ont été organisées à partir de l'occupation ici Saint-Bernard. Quoi. Il y a les affiches des manifestations de l'année passée, etc. Et voilà, concrètement, ce que je fais. Tu peux nous dire une parole sur ta vision vers l'église Saint-Bernard Moi, je pense que les lieux d'occupation, ça, c'est le bon moyen pour effectivement... pour faire pression sur le gouvernement et faire parler des sans-papiers au niveau de la population, effectivement, pour que ça change un peu, pour qu'enfin ils obtiennent la régularisation. Et je pense qu'une journée comme aujourd'hui, où effectivement tout le monde participe, etc., je crois que c'est le meilleur moyen de faire évoluer un peu les mentalités aussi, c'est de faire, se faire rencontrer les voisins ici du coin avec, avec les sans-papiers. C'est un lieu de rencontre, quoi. C'est un lieu de rencontre et de création, ouais, tout à fait, quoi. Bonjour, vous appelez comment ? Cédric. Ok, Cédric, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Là, je pense que je fais la crème de potiron, là. Ok. qu'est-ce que tu penses sur l'occupation de l'église Saint-Bernard ? Ah, moi, je pense que les gens, ils ne devraient pas être dans des églises, ils devraient loger dans des chambres, des endroits où on peut vivre convenablement. Bah, heureusement qu'il y a les églises pour pouvoir loger les gens à qui on ne donne pas l'opportunité de pouvoir vivre normalement. Je vous appelle comment ? Comment ? Vous appelez comment ? J'appelle Hani. Ah, Hani. Et vous êtes venu comment à cette fête ? Déjà j'étais l'année dernière à l'église Saint-Boniface, mais j'ai pas de la chance d'avoir avec eux les papiers. J'ai resté là-bas presque 4 mois ou 5 mois bénévole. Je dormais dans la partout. Parfois je dors dehors et tout, mais j'ai pas la chance d'avoir les papiers. Après 4 mois de merde, ils m'ont dit 130 personnes qu'ils ont le droit d'avoir les papiers. On n'a pas le droit de donner les papiers à tout le monde. J'ai presque resté 4 mois dans l'église de Saint-Boniface à XL. Malgré qu'il n'y a pas de chauffage dans l'hiver, il était le moment où il était dans le décembre, janvier, février, mars, sont très froids. Je n'oublie jamais la merde que j'ai passée. Et tu as quel âge ? Moi, j'ai 21 ans. Et tu es content de la fête ? Ça te paraît chouette ? Oui, moi, franchement, je suis content de la fête. Je veux tout le monde avoir les papiers, je veux tout le monde vivre comme les Belges, ouais. Comme vous. Travailler, ils ont le droit de faire tout, ils ont le droit de soigner, ils ont le droit de travailler. Mais comme moi, je suis demandeur d'asile, j'ai rien le droit de travailler. Je prends que 200 euros dans le mois, c'est rien. Moi, je suis jeune, je veux faire formation, je veux travailler, je veux aller travailler. Bonjour madame. Vous êtes du quartier ? Oui, tout à fait. Voilà. Paroissien. Ah, génial. Voilà, donc nous avons pris une partie prenante de l'acceptation des sans-papiers ici. On essaie de les suivre comme on peut, voilà. Bonjour, bonjour, ça va ? Mais donc c'est vrai que ceux qui sont ici, on les connaît parce qu'on les voit. Ouais, ça fait un an, on les a reçus. Ouais. Ils sont des gens sympas et gentils. Hein. De ne pas mettre de plus, de respecter les lieux. Ah ça, ouais, ouais, ça. Oui, parce que je sais que la limite est difficile. Alors nous ne sommes pas voisins immédiats, je sais que pour les voisins qui sont proches, le seuil de tolérance commence à être atteint et c'est vrai qu'on sait bien que ce n'est pas une solution à long terme. Hein, il faudra quand même... On va dialoguer avec eux, on va laisser la cuisine pour le bruit quand on va cuisiner parce que pas isolé. Voilà, c'est ça. Au jardin en face, j'aurais que pour vous monter, tout ça. Mais sinon, on n'a eu aucun souci avec les gens de... qui sont d'ici à du temps. Je sais qu'entre eux, c'est pas toujours facile, qu'ils ont parfois des conflits, mais nous, ils ont toujours respecté les consignes. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des paroissiens qui ne viennent plus, et ça, il faut l'entendre aussi, parce qu'ils ont l'impression que le lieu n'est plus préservé. Et donc, c'est vrai que c'est pas possible à long terme. Il faudra un moment, on tient juste les élections, et puis après, il faudra qu'il y ait des décisions politiques qui prennent leur lait, parce que, voilà. Love is a rose, but you better... wait a second. Love is a rose, but you better not pick it. Only grows when it's on a vine. Handful of thorns, did you know that you've missed it? Lose your love when you say the word's mine. And I wanna see what's never been seen. And I wanna live that age-old dream. Come on, let's stick together and take the best right now. Je suis le voisin. Ah ok, enchanté. Et j'ai vu qu'il y avait plein de trucs à faire ici. Ouais. Et je suis, je suis venue dire bonjour et ils m'ont invité. Oui, voilà, soir. C'est ça. Et je trouve génial. Ça stimule mon moment. Ça, c'est un soutien, quoi. C'est un soutien. Je pense ouais. Pour eux aussi. Ok, c'est sympa. On voit qu'il y a okay. Encore des autres réponses aussi comme moi, ça. Je suis pas, ok, merci, c'est gentil. À la prochaine, hein. Oui, ciao. Moi, je trouve ça important d'avoir justement. C'est la première fois qu'il y a vraiment autant de monde à une fête comme ça organisée par un collectif de Saint-Bernard, et c'est à ça que doivent servir les occupations, à ouvrir l'occupation sur l'extérieur. Ah. Parce que sinon, c'est des discussions qu'il y avait aussi à Saint-Boniface, et essayer de s'ouvrir aussi sur le quartier. Parce que si tu restes dans ton occupation seul, il faut avoir des soutiens, des gens... Tu restes un peu enfermé, et ce qui peut servir au gouvernement, c'est que... Ils savent qu'il y a une catégorie de sans-papiers qui se trouve à telle adresse. C'est ce qu'on a vu à Saint-Boniface. Ils ont envoyé des gens hein, de l'hôpital étranger, de tous les partis politiques. Tout le monde adorait le sans-papier. Mais il faut plus se solidariser avec les gens et créer une propre dynamique de solidarité. Ok, merci. Le mouvement, je veux dire, comme j'ai dit, l'être humain, il a toujours voyagé depuis le Cro-Magnon, même avant, quoi. Je veux dire, voilà. Et donc, voilà, tu rentres dans un bled si tu as un papier, soit disant d'identité, ou un laissez-passer, ou on retombe comme les nazis avec les laissez-passer, comme les colonisateurs en Afrique, ou un peu partout, les années 50, 60, ou même avant, il faut un laissez-passer pour pouvoir se déplacer d'un quartier à l'autre, quoi. Mais à côté de ça, on nous parle de la liberté de mouvement, on est en démocratie, on est en machin. Je trouve ça. L'autre aberration, c'est la liberté de mouvement de marchandises, oui. Et la liberté de mouvement de personnes. Des gens. Oui, de gens, d'individus. Ouais, c'est toujours très difficile. Mais évidemment, c'est injuste. C'est vraiment de. C'est incroyable. Ouais, ça c'était un son qui a été fabriqué collectivement le 10 mai 2007 dans l'église Saint-Bernard. Et bah, vous allez peut-être m'expliquer, Flo, un peu comment ça s'est passé la fabrication de ce reportage. Ça s'est vachement bien passé en fait, parce qu'on avait mis, on avait imaginé que tout était possible pour faire rencontrer des gens d'horizons différents qui ne se connaissent pas sur une thématique fortement engagée. Et donc on a eu du soutien de matos de, comment il s'appelle, Bruxelles nous appartient. Oui, c'est ça. Ça rentrait pas du tout dans leur projet, mais ils ont quand même voulu soutenir un petit peu en disponibilisant le matériel, mais n'ont pas voulu s'associer à ça parce que c'était pas dans ce que eux travaillaient pour l'instant. Mais c'est-à-dire, si je reprends, en fait, vous avez fait un appel aux artistes. Ça s'appelait quoi, artistes en campagne? Non, en fait, c'était un appel aux artistes qui avait été lancé déjà il y a longtemps, et ça mijotait, et puis ça s'est concrétisé au moment où il fallait sortir quelque chose pour monter un peu la pression par rapport aux politiques. Et donc, il y a un appel aux artistes assez modeste qui est sorti de Saint-Bernard, quoi, d'un petit coin de Saint-Gilles, et qui a ensuite rencontré artistes en campagne. On s'est rendu compte qu'ils avaient finalement dans leurs objectifs des trucs très similaires, mais quand eux bénéficiaient d'une plateforme nationale, donc ils pouvaient déjà récupérer, quoi, en tout cas faire se rencontrer, récupérer de l'énergie. C'est ça que je voulais dire, de groupes plus vastes que juste le petit quartier de Saint-Gilles. Et donc on a fait ça avec eux. Après eux, c'était à mon avis un peu plus bobo. Je pense pas que la priorité était la pression au même titre qu'elle l'est chez Saint-Bernard, parce que c'est une question de survie, mais je crois que c'est un très belle initiative citoyenne quand même. Quoi. Ok. Et donc le son, c'est venu dans ce cadre-là. Oui. Et on a essayé de faire du son ensemble. Donc dans toutes les activités, que ce soit son ou image, ou prise d'image, ou rencontre, le but, c'était de faire ensemble. Donc c'est ça qui a relié, en fait, l'exposition. Et en son centre, il y avait cet objectif que l'exposition elle-même soit exposée comme une possibilité que des gens du monde entier se rencontrent et fassent quelque chose ensemble un soir. Uh-huh. C'est magnifique, en fait. C'est une fête sacrée dans une église. Bah, moi, j'y étais, j'ai trouvé ça très, très bien, en tout cas. Il y avait effectivement, il y avait du son, il y avait de l'image, il y avait des gens qui se baladaient avec des caméras, il y avait de la peinture. Il y avait de la bonne cuisine. Il y avait du slam. Ça, même le faire ensemble de la bouffe, c'est de la cuisine politique où tout est basé sur la récupération. Donc, de nouveau, déjà dans l'acte de récupérer ensemble, de se rencontrer le dimanche pour se soutenir, pour qu'il y ait de la bouffe à l'église, pour se rencontrer, pour tisser des trucs de survie entre nous, et quand il y en a un qui a un problème, l'autre est là avec sa voiture, des trucs comme ça. Ça faisait vraiment partie de cuisiner ensemble. Donc, c'était vraiment un atelier de bouffe, et il y a les enfants du quartier qui avaient déjà participé à un truc d'échange avec des pays d'Amérique latine sur des ateliers d'enfants où des dessins d'ici partaient là-bas et revenaient de là-bas ici avec des échanges entre les enfants. Et là, sur la bouffe, ces mêmes enfants du quartier, cette fois-ci, faisaient la bouffe, apprenaient ça, quoi, la récup jusque-là, quoi, de l'écologie, en fait. Saint-Bernard, une église écologique. Donc, bon, vous qui nous écoutez, vous savez de quoi on parle si vous étiez là, déjà, si vous avez été à cette église Saint-Bernard, et si vous avez été à d'autres églises, vous savez un peu comment ça se passe. Une église occupée, c'est une communauté, c'est toute une histoire. Et justement, on va essayer de, puisque Saint-Bernard fête ses un an d'occupation, on va essayer de raconter un petit peu comment on en est arrivé là, avec Alex. Alors, Alex, tu peux nous raconter un peu les origines de tout ça? Oui, bonsoir tout le monde. Oui, en effet, l'occupation de Saint-Bernard, ça a commencé le 1er juin 2006. À cette occupation, ils ont lancé l'appel, la UDEP, la Union pour la Défense des Sans-Papiers. Parmi une autre organisation, on a eu le contact avec la CRER, qui nous a invités, parce que moi je appartiens à un mouvement bolivarien ici en Belgique. Donc c'est la CRER qui nous a contacté pour participer à cette occupation, parce que le mouvement bolivarien a participé aussi à la il y a pas de problème, la mobilisation, quoi, hein. Ils étaient présents aussi. Oui, on a participé à la, comment appeler, la coordination contre les expulsions en 2003. Donc à cette époque-là, le mouvement bolivarien on a lancé une proposition pour occuper les églises en 2003. Donc depuis là, on n'a rien conclu, et après tout le monde s'est dispersé. Après 2005, vis-à-vis la problématique des sans-papiers, les gouvernements marginalistes, à chaque fois c'était une politique plus répressive. Donc les sans-papiers, ils se sont organisés et on a créé le mouvement UDEP. Et avec la UDEP, on a lancé l'appel à l'occupation à Saint-Boniface, 2005, dans laquelle on a réussi à régulariser une centaine de personnes. Et après l'occupation Saint-Boniface, leur régularisation, ils ont lancé l'appel à Saint-Bernard. Et là, on était heureux de participer à cette occupation. C'est là qu'on a commencé à travailler, à créer les différents collectifs qui ça existe maintenant dans l'occupation Saint-Bernard. J'ai une question naïve, hein. Je ne sais pas si on pourra y répondre d'ailleurs, mais comment ça se passe quand on occupe une église? On tape à la porte, on trouve le curé, on lui dit bonjour, est-ce qu'on pourrait occuper l'église? C'est l'église qui avait été virée, quoi. Il y a une autre église qui avait été évacuée manu militari, quoi. Ah, ça s'est passé à Parvis de Saint-Gilles, le 5 mai 2005. Et il y avait un groupe des Algériens qui sont osés venir dire, voilà, on va occuper cette église, mais la paroisse, la police, et même les bourgmestres, ils se sont plantés et ils sont évacués, ils sont chassés, tous ces gens. Et après quelques jours, aussi, il y a eu une grève de la faim. Et là aussi, on a eu l'intervention de part de la police. Ils étaient trop agressifs et donc ils ont raflé tous ces gens qui étaient en grève de la faim. Mais la grève de la faim était mal gérée. C'est-à-dire qu'il y avait une personne dans une occupation un peu limite sur les pressions psychologiques, tandis que dans Saint-Bernard, il y a tout un travail de communauté, de quartier, de transparence, d'assemblée générale. Je veux dire, c'est pas du tout la même chose que certaines dynamiques où on peut se dire, ah tiens, c'est de la manipulation médiatique. Ici, il y a surtout de la vie, quoi. Oui. Même si c'est une lutte à mort, si les gens font des grèves de la faim. Oui, et après tout ce qui s'est passé avec l'évacuation de l'église à Parvis, la grève de la femme, vis-à-vis de ce problème qui s'est arrivé à Saint-Gilles, UDEP décide l'occupation à Saint-Bernard. Donc, on a négocié avec la paroisse, les différents dirigeants de cette église, avec la commune, le bourgmestre de la commune, les commissaires de la commune de Saint-Gilles. Pour avoir cette occupation, on a eu tout un processus de négociation avec tous les représentants, tous les... Qui est déjà une reconnaissance en soi. Oui. Ça veut dire qu'on existe, quoi. Tu vois, si tu peux parler avec lui, c'est que tu existes. Oui. Rien que ça, je trouve ça fort, quoi. Parce que si, avant, l'UDEP n'existait pas. Oui. Donc les sans-papiers n'existaient pas. Et tu penses que ce type de négociation n'était pas possible avant l'UDEP ? Non, moi je crois que vraiment l'UDEP, c'est l'avenir du monde. Oui. Je crois qu'il travaille à trouver une solution pour accueillir toute la richesse du monde. Oui. C'est un très beau mouvement, malheureusement, soutenu de manière un peu tiède seulement, je pense, par les organisations comme le CIRÉ ou le Centre d'égalité des chances, qui ont sûrement les mêmes objectifs sociaux que nous, mais qui malheureusement, je pense, jouent le jeu du gouvernement pour ne pas assumer l'entièreté des responsabilités qu'ils ont apportées. Ouais. Et ça, sur Saint-Bernard, il y a une prise de responsabilité par les sans-papiers de la base, quoi. Des gens qui sont dans la bidouille aujourd'hui et qui donnent tout pour défendre une idée politique. Et ça, les partis financés et les associations, ce qu'on appelle habituellement la société civile, n'est pas capable de le faire. Et en ça, il y a une leçon. Et donc, c'est vraiment eux qui assument l'avenir du monde, quoi. Ouais. C'est une avant-garde actuellement. Je pense que la Belgique n'est pas à la hauteur de ce qui arrive, alors qu'eux le sont. Et c'est eux qui vont nous apprendre ça, je pense. Peut-être qu'on peut, si je peux continuer un peu, c'est une parenthèse par rapport à l'histoire, mais c'est vrai que c'est assez intéressant de... est-ce que il n'y a pas un peu un miroir aux alouettes du lobbying qui fait qu'il y a toute une énergie que dépense encore, je glisse entre parenthèses, que je reviens de Rostock et c'est un peu ce qu'on a observé, quoi, c'est qu'il y a toute une part de l'énergie du mouvement social qui est dépensée à essayer de convaincre les gouvernants et des fois on a l'impression que c'est un peu de l'énergie perdue par rapport à ce qu'on pourrait organiser de la base, etc. Logique, quoi, hein. Et tout ce qu'on peut rencontrer, parce que finalement ça tient que sur des rencontres, quoi. Eux, leur truc avec des CA et tout ça, ça tient sur des financements. Nous, ça tient sur un cœur qui bat, quoi. Vraiment, tout le monde sait pourquoi il est là. Et ça, c'est une force qu'ils n'auront jamais. C'est Tom qui disait ça dans Frères de Sang, il disait un amateur passionné connaît mieux son boulot qu'un professionnel, quoi, qui est payé pour faire ce qu'il fait. Ouais. Et sur ça, on a... c'est pour ça que c'est vital, quoi. Ouais. Mais on va reparler de Frères de Sang, peut-être. Et on continue un peu avec Saint-Bernard. Oui, en fait, ce que je voulais finir avec ça, c'est parce que l'occupation à Saint-Bernard, c'était une occupation symbolique. Et juste en magnon, c'est symbolique pour les clandestins. Parce que vis-à-vis la loi, les plans de loi du ministre de l'Intérieur, les clandestins, ça veut dire les latino-américains, les maghrébins, on était hors des cadres de régularisation. Donc, avec l'UDEP, on a décidé de rendre visibles tous ces gens qui sont les plus défavorisables dans ces différentes catégories. Donc, on a donné à Saint-Bernard une occupation de clandestins. Moi, je pense que c'est de là que a sorti tous ces collectifs qu'on a maintenant, comme Frères de Sang, et les différents collectifs artistiques, politiques. Et ça nous a aidé beaucoup à l'occupation, à créer la dynamique, et aussi à créer le soutien avec les différentes associations, différents partis politiques, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a déjà des engagements politiques, des partis politiques pour les sans-papiers. Donc maintenant, c'est le temps de venir dire, voilà, on est là, et il faut concrétiser ces accords. Oui. Je trouve, pour montrer la trajectoire d'un an d'occupation à Saint-Bernard, il y a eu très très très très peu d'interpellations directes avec les politiques pour discuter une solution à ce problème. Et ça, que sur un an, il n'y ait pas eu ça, les voisins ne comprennent pas. Et je pense que les tensions qu'il pourrait y avoir avec les voisins sont fortement basées là-dessus. La réaction qu'on a de tous les voisins, que ceux qui soutiennent beaucoup, ou ceux qui soutiennent un peu, ou ceux qui soutiennent parce que voilà, ça leur fait plaisir, ou ceux qui soutiennent parce qu'ils écoutent du bruit, et c'est pas toujours facile, c'est une manière de soutenir aussi, d'accepter ça. Ceux-là, ils sont d'accord, ils assument cette responsabilité. Tandis que le pouvoir politique, non. Oui, moi, je voulais parler un peu de ce qui s'est passé à l'intérieur de l'occupation aussi, quand on a entendu la rafle, si on n'a pas oublié la rafle de Notre-Dame Immaculée Anderlecht. Donc ça s'est passé le 4 juillet. Et après le 4 juillet, on a eu des... bon, à Saint-Bernard, on avait tous les lundis, on avait notre AG. Et après les rafles, après le 4 de juillet, on a eu notre AG à Saint-Bernard. Et voilà, tous les gens, tous les soutiens qui participaient à cet AG, on a décidé qu'on ne peut pas laisser tomber les gens. Parce qu'ils étaient dans une occupation comme la nôtre. Et nous, on s'est mis à sa place et on a dit, nous, Saint-Bernard, on ne peut pas laisser tomber les militants de UDEP. Donc on a commencé à défendre, on a commencé à créer des actions, des manifestations, des rassemblements avec les collectifs artistiques et Frères des Sons. On a organisé des concerts, des expositions. On a organisé plein de trucs et on a, après 5 mois des actions, de ces actions, on arrivait à voir leur libération. Par rapport à ça, moi je dirais que c'était le fruit qu'on a récolté après 5 mois de lutte, après 5 mois des actions et de revendiquer leur libération. Mm-hmm. Ce qui est clair, c'est que si personne ne s'était battu, l'action du gouvernement aurait cassé une occupation, ces gens se seraient séparés, divisé. C'est comme pour les expulsions de Saint-Gilles. Tu parles d'Anderlecht. Oui, mais les expulsions de Saint-Gilles, c'est la même chose. Ils ont évacué un mouvement, mais ce mouvement était tellement fort qu'il a rebondi, qu'il y a eu deux, trois occupations à Saint-Gilles, avec Forêt, etc. Donc finalement, le coup a renforcé plusieurs dynamiques locales différentes, quoi. C'est ça qui est fort. Et je pense que tous les mouvements de soutien, cette dynamique-là de quartier aide à le faire, mais qu'en plus, ces mouvements de soutien apparaissent et germent comme des champignons partout. Et qu'on est tous d'accord sur pourquoi on est là, et que là, il y a tout à coup une possibilité d'agir. Et je pense que c'est ça que les gens, tout à coup, ils voient dans une occupation comme celle-là, une possibilité de faire quelque chose. Une possibilité de venir boire le thé, pour dire, moi, j'ai envie de rencontrer, quoi. J'ai pas envie de d'enfermer. Ouais. Et il y a un truc qu'on n'a pas bien peut-être expliqué, si on a encore un peu le temps, on va le... C'est cette organisation par atelier, par commission, etc. Peut-être que tu peux expliquer un peu, Alex. Tu vois ? Il y a un collectif artistique, un autre qui s'occupe de réunions juridiques, des trucs. En fait, pour créer la dynamique, pour créer la participation et que tous les occupants on s'involucre au travail de l'occupation, on a décidé, avec les voisins évidemment, on a décidé de créer des différents collectifs. Parce que avec ce collectif, on aurait arrivé à créer une dynamique. C'est là qu'on a Saint-Bernard. Mm-hmm. Par exemple, on a créé le collectif juridique qu'il y avait un occupant et 3 voisins qui s'occupaient de contacts avec les médias, avec les avocats, avec les syndicats. Et il y a eu aussi un autre collectif logistique qui s'est occupé d'établir les contacts avec les magasins qui sont près de l'église. Aussi, la même chose pour les marchés qui sont à Saint-Gilles, à Parvis, à Place Van Menem. Et il y a eu aussi le collectif Soin qui s'est occupé aussi pour trouver des médicaments, pour établir les contacts avec l'aide médicale ou CPAS à Saint-Gilles. Et des différents trucs pour nous, pour les occupants. Quoi. Et là, il y a eu aussi, il y a né le collectif artistique. Et le collectif artistique aussi, il a mis tout son cœur pour travailler à cette occupation, parce qu'avec eux, on arrivait à créer... Je ne sais pas te dire combien d'expositions on avait fait, combien de concerts, combien... Et là, en plus, si je peux t'interrompre, au cœur de l'occupation, il y a toujours eu des activités artistiques. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment vous, les fondateurs, quand vous avez ouvert cette église, qui avez dit, pour sortir de cette image de mendiant, on apporte quelque chose. Quoi, tu vois, et c'est pour ça que ça s'est développé comme ça, je pense. Ouais. Et on a l'impression que toutes les activités sont artistiques, quelque part. C'est-à-dire que quand, c'est ça. On s'est, après quelques manifestations, quelques actions qu'on a eues, on s'est rendu compte que Voilà, dans le collectif artistique, on est riche, on a beaucoup de choses à donner, à montrer. Il y a plein des artistes qui se sont impliqués à la problématique de Sans-Papiers. Donc, on a décidé de faire un concert ou une exposition ou diffuser un film après chaque manifestation. Et de là aussi, il a sorti l'idée de changer le nom de manifestation pour la manifiesta. Et d'où l'appel aux artistes, tu vois. Tout ça, c'est cette dynamique-là qu'il portait, quoi. C'était pas juste comme un événement où, tiens, on décide de faire un événement. T'as à chaque fois toute une force qui... Ouais, ouais. Bon, c'est très riche. On va peut-être écouter encore un son, non, du Dimé ou... Du 10 mai, non. Ah. On va passer. Ah, du 1er juin. De Rostock, non. Non, de Woodstock. Rostock, Rostock, Woodstock, on y reviendra à une autre émission. Ouais, on a déjà beaucoup à dire là. Voilà, là en fait, le deuxième reportage qu'il y a, c'est le 1er juin. Donc là, c'était les un an d'occupation à Saint-Bernard, et où, donc il y avait des choses organisées toute la journée, une conférence le matin avec les voisins, la presse, ensuite une manifestation. Une manifesta, pas une manifestation, une manifesta. Ma faute. Une manifesta, donc avec, c'était avec quoi, les fanfoireux, c'est ça? Ouais, les fanfoireux, ouais, ça c'est l'âme du mouvement, ils sont toujours là où on a besoin d'eux. Voilà. Ils sont notre futur. Et des débats et des films. Et donc voilà, on va écouter ce qu'on va entendre. En fait, c'est la conférence du matin où il y a plusieurs choses qui se sont dites, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, on rentre dans une période où il va y avoir des discussions assez importantes à Saint-Bernard, notamment avec la paroisse, qui, bon, on l'a entendu un peu là dans le reportage précédent, commence à en avoir un peu marre. On va dire les choses comme ça, pour résumer. Ils ont dit, après les élections, il faut qu'on prenne une décision sur le futur de l'occupation, parce que certaines personnes dans la paroisse veulent que ça redevienne une église propre, malgré que, quand même, de leur cœur et de leurs actions, depuis un an, ils soutiennent énormément. Mais les liens sont, et la communication doivent se retisser. C'est pour ça que le témoignage sonore qu'on va écouter ici, je pense, par tout ce qu'il a créé, fortement aidé à ce qu'au sortir de la réunion, les gens disaient, quelque chose est en train de germer, on ne peut pas arracher ça. Donc moi, je vois le futur, plein de verdure. Oui, oui, oui. Okay. Non, c'est toujours cette logique de s'en remettre à l'écologie. Aux politiciens. Je parle pour les gens qui veulent retrouver leur église, de s'en remettre aux politiciens qui auraient comme ça toujours les solutions, et de ne pas voir que c'est peut-être dans le présent, en fait, que se trouve la solution. Tout à fait. Et dans le fait de la pérenniser. Nous avons eu la chance ici à Saint-Bernard d'avoir une paroisse vraiment, je dirais, sympathique et compatissante, et vraiment avec accueillante et avec une envie vraiment de porter au-delà justement de l'accueil chrétien justement des sans-papiers, des réfugiés en général, mais aussi ça va au-delà de la participation citoyenne de la paroisse aussi dans nos actions, de la présence effective justement à la réunion et l'intérêt qu'ils portent justement à notre combat. Et là, j'aimerais bien que donner la parole à Denis, qui représente la paroisse de Saint-Bernard, pour un petit peu parler de tout ça, justement. Au tout début, il y a eu un vote qui s'est fait après une Eucharistie, une messe du dimanche, pour savoir si on acceptait ou non l'occupation. Il y a eu une majorité favorable. Une petite minorité n'a plus jugé bon de revenir à la messe. Donc ils ont carrément manifesté le non de façon ostensible, parce qu'ils ont considéré qu'une église n'était pas le lieu adéquat et qu'ils n'arriveraient plus à prier dans les mêmes conditions. Ça fait un an, la majorité paroissiale considère qu'au niveau de l'occupation de l'église, on pourrait mettre un terme. Ça, il faut quand même le savoir, hein. Je crois avoir déjà donné le message plusieurs fois. Donc il va y avoir une réunion le 13 juin, ici, dans l'après-midi. On souhaiterait qu'il n'y ait plus d'occupation permanente dans l'Église. Voilà. Donc il y a quand même une évolution. On peut sentir que ce n'est pas favorable, que ça ne va pas dans le sens d'un accueil. Mais il faut aussi se réaliser qu'une Église, c'est un lieu de culte, et que pour nous, le culte est prioritaire. C'est la maison de Dieu, c'est la maison du silence, c'est la maison de... Et que c'est plus cette réalité que nous rencontrons. Mais tu vois, on aurait un local paroissial. Il est évident qu'on vous l'ouvre sans difficulté, parce que ça, c'est un lieu qui s'y prêterait mieux, qu'on peut faire. Bon, l'église, c'est un peu bâtard. Et on s'était dit, avec l'engagement, c'est pour un certain temps. Dans notre idée, c'est ça. On n'avait pas pu mettre d'échéance. Hein, tu te souviens quand même? Avec la paroisse un petit peu, nous nous sommes retrouvés avec cette question qui est vraiment très difficile à trouver une réponse. Et combien de temps ça va durer votre occupation? Et c'est vraiment très difficile de répondre à cette question parce que ça dépend de nous. C'est un petit peu le fond du problème. Et c'est pas une réponse qui dépend de nous, malheureusement. C'est une réponse qui dépend du pouvoir politique, justement, qui maintient justement sa politique d'autruche, qui ne veut pas vraiment réaliser qu'il y a un problème auquel il faudra trouver une solution à un de ces jours. Donc, pour une politique, ce que tu disais, ça fait un an d'occupation et qu'il n'y ait pas un dialogue, que Piquet n'est jamais venu ici, que la commune n'est jamais venue ici. Ça veut dire qu'ils ont une manière d'assumer leurs responsabilités bien à eux. Et pour revenir ici, concrètement, aux paroissiens, aux chrétiens, la solution à la chose, ce serait qu'ils s'impliquent massivement. Mais massivement, au-delà de l'Église, ça voudrait dire, bon, nous allons, pour mettre fin à cette situation qu'ils subissent aussi, d'inconfort par rapport à leur lieu de culte, s'impliquer dans une exigence de droit par rapport aux personnes qui n'ont pas ce droit. Ce serait la solution, parce qu'au plus ils participent massivement, au plus la pression des gens un pouvoir, mais il faut qu'elle soit massive. Moi, je crois que les résultats, ils sont là. Ce qui change maintenant au niveau des sans-papiers, c'est que justement, on sort de la rhétorique. On est la misère du monde. Tu vois? Donc, et quand le sans-papier dit « je suis la richesse du monde », et quand les gens reconnaissent ça, quand les gens essayent d'accueillir ça, tu vois? Le sans-papier, il est déjà dans un état de liberté, tu vois. Même s'il n'a pas les papiers, même s'il n'a pas cette bête signature à la con d'un ministre, on s'en fout, ça. Ce qui compte, c'est qu'il a déjà gagné sa liberté quelque part, tu vois. Moi, je ne perds jamais l'espoir parce que la lutte, c'est comme ça. Justement, maintenant, on est arrivé à un point où il est temps de se ressaisir et justement aussi par rapport... De faire un débat justement avec la paroisse d'un côté, les voisins, les occupations, les occupants, les membres de bureau du DEP Bruxelles pour un petit peu discuter ensemble justement sur comment un petit peu porter ce mouvement et essayer de faire en sorte que ça revit. Tous les sans-papiers. Alors, expliquez-moi, parce que moi j'étais pas là le 1er juin, j'aurais bien aimé être là. En fait, ça c'est un débat qui a eu lieu le 1er juin. C'était un débat conférence de presse, parce qu'il y avait aussi quelques journalistes. Et en fait, l'occupation et l'UDEP qui était là, c'était Dado et Abdelak qui représentaient l'UDEP, je crois. Mohamed. Voilà, et Alex. Tout le monde. Et avait voulu inviter la paroisse aussi et les voisins à cette conférence-là pour pouvoir parler en fait des un an d'occupation et de ce qui allait se passer maintenant, qu'est-ce qu'on fait, parce que voilà, les paroissiens veulent rediscuter de l'existence de cette occupation-là. Je crois que c'est une forme de saine évaluation et de rencontre, et de porte ouverte et de témoignage sur la réalité de ce qui se passe, plutôt que des choses qui sont vraies, avec toutes les difficultés que comporte la réalité, quoi. Ouais, c'était pas une fête, hein, quoi. Non. Du coup, il y avait pas. Mais la manif était super festive, ouais. Mais ça c'était plutôt sérieux, quoi, ouais, agréable, ouais, une vraie rencontre. Ouais, ouais, ouais. Alors là, ce qu'on entend, c'est assez dur malgré tout, parce que c'est. Tu trouves ça dur, toi, comment vous sentez les propos là qu'on a entendus? Non, par rapport à 1er mai, moi je pense que personnellement, c'était un anniversaire, un an d'occupation, un an de souffrance, un an de crainte de vivre avec la peur, un an d'être marginalisé, un an de supporter toutes ces politiques discriminatives, un an de continuer à être sans papier, quoi. Tout ça sans réponse. Tu vois, je veux dire, c'est déjà ça, quand tu énumères tout ça, c'est pas sympa comme année, mais ça fait en plus des années que ça dure, et des décennies que ça dure, et en bonus, on te donne même pas une réponse, tu vois, t'as même pas un type avec qui tu peux parler du problème. Et par rapport à la paroisse, je pense que, aussi, ils ont quelques mots à dire par rapport à l'occupation, à les activités qui s'y sont organisées à l'intérieur et à l'extérieur de l'église. Donc, nous, les occupants, on tient bien clair dans notre tête que ce soit la décision de part de la paroisse ou de la commune, nous, on ne sort pas de là sans papier. Nous, on est venus occuper cette église en pensant qu'on va avoir notre papier, en pensant faire pression au gouvernement d'ici, de la Belgique, quoi. Mais maintenant, on voit que, oui, on arrivait à créer et à soutenir le mouvement de sans papier à l'UDEP, mais aussi on a besoin de tous ces gens qui viennent nous soutenir maintenant. Parce que, comme je viens de dire, nous, on ne va pas laisser l'église comme ça. On ne va pas sortir sans nos papiers. Ouais. Est-ce qu'on peut parler un peu de Frères de Sang dans dans toute cette affaire? Bah là, par exemple, on sera là pour comme soutien, quoi. Frères de Sang est né de la commission, quoi. Il y a une longue histoire d'ailleurs, mais à Saint-Bernard, ça s'est connecté dès le début. Non, pas dès le début. À un moment, il y a voulu avoir le groupe de la commission artistique a décidé d'étendre le pourquoi ils sont là et l'ouverture à d'autres formes d'exclusion, et ça a commencé à réunir sans papier, sans abri, usagers de drogue, ex-détenus, et plein d'autres choses, des voisins, sans mettre comme signe distinctif le fait d'être avec ou sans papier. Alors que la plupart des soutiens fonctionnent dans les sans papier, comme si c'est... En fait, être sans papier, c'est débile, quoi, ça veut complètement rien dire. C'est tu vois, je veux dire, c'est un truc administratif. C'est comme si tout à coup tu perds ta carte d'identité, tu dis ah, je me sens très différent, tout à coup je suis sans papier. Ben non, c'est plus ou moins le même effet que ça fait, mais les conséquences peuvent être chiantes de perdre sa carte d'identité, quoi. Mais voilà, donc c'est né avec, quand il y a eu l'occupation du 103, il y a des liens qui se sont tissés entre les deux pour développer des dynamiques artistiques. Des occupants qui apportaient énormément au mouvement de Saint-Bernard sont allés rejoindre les forces du 103, ont continué dans le collectif 103, il y a eu la comète. Donc il y a des liens forts, il y a les réseaux bouffe d'un côté qui sont venus, fort impliqués au ministère de la crise du logement aussi, qui sont venus aider à Saint-Bernard. Donc il y a vraiment des liens que ça a tissé en termes de soutien beaucoup plus grands. Et finalement, ça a créé un réseau, une nébuleuse comme ça de gens qui se connaissent et qui savent pourquoi ils sont là et qui le font d'une manière chouette, quoi, en respectant des modes de décision horizontaux, en étant là pour s'amuser mais aussi pour soutenir quand on est triste, pour tu vois, pour tout, quoi, juste pour dire moi je vais au moins essayer dans mon quartier de faire ce que je peux par rapport à ça. Et finalement ça a eu tellement de succès parce que les gens se sont dit mais finalement il y a moyen de faire quelque chose, et c'est maintenant un truc pas vraiment contrôlable. Et c'est là qu'on a commencé à rencontrer les Européens à Rostock, etc., qui finalement, Kenny Arcana qui était venu à la comète, des réseaux qui faisaient exactement la même chose ailleurs, ouais, mais qui avaient germé dans un autre contexte. C'est fou, hein. Oui, mais c'est, je crois qu'il y a vraiment, si j'en juge par ma petite, toute petite expérience de ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une lame de fond, quoi, de gens qui ont comme ça, qui sont comme ça à part entière dans des collectifs qui sont, comme tu dis, horizontaux. On a pu rencontrer à Rostock le collectif Novox, qui fonctionne sur ce principe. On a rencontré le People's Parliament, qui est un collectif kényan qui fonctionne sur ce principe. Exactement. Vox ici, mais aussi Vox de Bruxelles, qui produit, ouais, les trucs qu'on fait. Ouais. C'est vraiment les mêmes dynamiques. Ouais. Et il y a des gens qui réfléchissent aujourd'hui ces dynamiques. C'est ça qui est chouette, quoi. C'est qu'on peut maintenant essayer d'imaginer une table de négociation où tous les participants sont sur un pied d'égalité en termes d'intelligence collective, de mémoire collective, d'objectivité sur la situation. Il faut juste un peu de courage et de bonne humeur. Ouais. Voilà, l'avenir du mouvement social. Oh, j'espère que le monde... Pourquoi? Tu espères que non? Ce mouvement social, ça fait un peu élection comme ça. Bon, wow, ouais, abandonnons ce nom au passé. L'avenir tout court. Moi, je voudrais dire que toutes ces activités, toutes ces idées, ils sont sortis parmi de son papier. À fond. C'est ça qui est extraordinaire. Hein. C'est de la, ouais, la misère du monde. C'est... On est là. Oui. C'est sûr que la, cette lame de fond dont je parle, elle, elle doit beaucoup, beaucoup au sans-papier, c'est sûr. En tout cas, sur, dans les pays où on est, nous, en, en Belgique, etc. Et elle doit beaucoup aussi à l'Amérique latine, je pense. Tu vois, l'exemple du zapatisme, etc., joue beaucoup dans, dans cette lame de fond, à mon avis. Et la rencontre, c'est-à-dire que si tu es un homme du voyage, par définition, que tu passes les frontières, tu as une expérience en termes... Tu as reçu plus... Si tu as voyagé, tu as reçu plus que tu ne donneras dans ta vie. Aude ? Oui. On te réveille. C'est super joli et tout. C'est beau, hein. Et puis il y a des oiseaux, il fait... Et avec l'art, tu vois, tu peux t'amuser, tu n'as pas à avoir peur, on ne t'accuse pas de terrorisme. Tu vois, on fait des trucs chouettes, nous. Ouais. On fait du vrai travail social. C'est sûr. Ouais, non, travail social, ça fait trop élection. Ah ouais, mais... C'était une blague, c'était un piège. Qu'est-ce qu'on a marqué sur notre papier qu'on doit faire encore? Moi, je dois faire un agenda, je pense. Hein, oui, moi ça, aussi. C'est la liste des courses. Et, et Alex aussi, je crois. J'ai comme liste des courses et je vous promets qu'elle est bien fraîche. quelques informations. Par exemple, que le lundi 18, c'est-à-dire le lendemain de la manif, il y a une pression populaire qui s'organise à 14h devant le siège du CDNV, notre nouveau chef de file. Rue de la Loi 89, au métro Madou. Et voilà, c'est parce que, vu que c'est un parti qui dirige la Belgique, on est sûr qu'ils vont être très heureux de nous rencontrer. Il y a aussi quelque chose le 24 juin à l'église d'Underlay, qui est cette église qui a été expulsée par des représentants de la Belgique. Et ce rassemblement, le 24 juin, de midi à 20h, a pour ambition de réunir les gens du monde entier pour commémorer... la triste histoire d'Anderlecht et en même temps la belle histoire d'Anderlecht, parce que c'est quand même à la salle Cosmos que se réunit l'Assemblée Générale de l'UDEP et toute la force qu'il nous donne en nous tapant dessus. Festival cinéma aussi. Alors il y a l'Aventure qui est en train de renaître. C'est un cinéma au centre-ville et on espère que la dynamique sans papier va pouvoir occuper les lieux et c'est même confirmé à partir du 16 juin, je crois. Mais ça, Aude, à mon avis, a plus d'infos là-dessus. Ouais, c'est l'Aventure des sans-papiers. Ils ont mis ça comme titre. Donc le festival de cinéma avec des films sur, fait part, avec des sans-papiers. Et donc ce sera tous les soirs. Alors moi ce que j'ai comme information, c'est ça, c'est à partir de 19h, donc du samedi 16 au dimanche 24, au cinéma L'Aventure, rue des Fripiers. Donc c'est dans le centre, c'est du côté de la Bourse, hein, c'est ça je crois. Pas exactement, dans mon souvenir, il faut prendre une petite rue, la rue des Fripiers, je crois que c'est une perpendiculaire à la rue des Bouchers. Oh là, je suis perdu. Ah, il faut habiter Bruxelles un peu là. Vous dans regardez, le quoi. Centre-centre. Bon, enfin, il y a trois cinémas qui sont très très proches l'un de l'autre. C'est le Nova, l'Aventure et la Rambert. Et il me semble que l'Aventure et la Rambert, c'est pratiquement dans la même. C'est pratiquement ah oui, c'est, l'Aventure, le, c'est le même celui, pâté de maison. Quoi. C'est celui qui est dans la galerie commerciale. Je c'est crois. Ça. Je okay. crois. Ça, je et donc que c'est voilà. Studio encore celui-là, non? Ah tiens, il y en a encore un autre. Ah mais. C'était... Bon, c'est facile à trouver. Voilà, vous. Voilà, c'est rue des Fripiers. Regardez dans le bottin. C'est au centre. C'est juste à côté du centre. Vous trouvez le centre. C'est juste à côté. Rendez-vous pour tout le monde partout. Tout le temps. Et faites l'amour, hein. Attends, je termine juste là-dessus. Oui, j'ai eu un tarif, mais alors apparemment, celui-là non plus, il est pas sûr. Mais tout va se décider demain, en fait. C'est pour ça qu'on tout est. Tout va peu... se décider demain. C'est okay. 4 euros, c'est, non c'est super. Ça Oui, on m'a dit 4 euros, évidemment, gratuit pour les sans-papiers. Et il y a 50%, je pense, de, si jamais ça récolte du pognon, qui va direct à Saint-Bernard pour continuer à développer les mouvements. Et il y a l'ambition de rencontrer un max de potes, photographes, journalistes, preneurs de son, qui travaillent déjà bénévolement dans toutes les manifs où il se passe quelque chose, entre justement sans papier, sans abri, etc., pour avoir un réseau média qui plus costaud, quoi, pour approprier ça aussi et faire un petit déj ensemble. Mais ça, les infos vont suivre. Mais panique sera au rendez-vous, en tout cas. Et sinon, il y a aussi, assez important, il y a la manif du 17 juin. Ah, qui ça, c'est le central, quoi. Je veux dire, tout le reste mène à ça, ou suit ça. Mais il y a une préparation. Donc, je ne sais pas, Alex, tu veux parler de la préparation qui est en ce moment, qui a commencé aujourd'hui au plan B Oui, en effet, il y a un plan B qu'on est, disons, on est en train de se réunir, de se retrouver à le local de la Cineque Parade. Et là, ils ont commencé des ateliers. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à samedi, je crois, il y a des ateliers. Donc, tous les gens qui se sont intéressés pour venir participer avec ces idées ou créer des calicots, des banderoles, ou je sais pas, simplement nous passer visiter, ça sera chouette. On va se rencontrer là. On est à partir de 10h du matin jusqu'à 18h. Et la manifestation nationale du 17 juin s'était organisée pour des organisations comme le CIRE. Et le but de UDEP Bruxelles, avec Bruxelles Laïque et la Cineque Parade, le but à nous, c'est de transformer cette manifestation en un manifeste, comme d'habitude ici, on est face à Bruxelles. Comme ça, c'est plus une manifestation avec les colos d'un côté, les jaunes de l'autre et tout, mais pour bien dire que c'est une manifestation pour la régularisation de tous les sans-papiers. Parce que certaines personnes, au niveau de la stratégie du CIRE, veulent dire que c'est une manifestation, ou du FAM, que c'est une régularisation juste, alors que c'est une régularisation pour tous les sans-papiers. Parce que dire que c'est une régularisation juste, ça voudrait dire que certaines personnes ne méritent pas d'être considérés comme des êtres humains. Ouais. Et ça, c'est une grave différence. Bon, ils le font parce qu'ils sont coincés politiquement, mais voilà, donc de leur rendre une manifesta, ça donne aussi une rencontre entre tous ces gens à titre d'engagement personnel et humain, plus que politique. Ouais. Oui, ça va être une manifesta et avec la revendication de la régularisation de toutes les catégories de sans-papiers qui se trouvent actuellement ici en Belgique. Ça, c'est le plus important. D'accord. Ok. Et tu vas faire ton faux camion, là, ton faux camion de police Il y a de temps. Non, je suis en train de divulguer des plans. Faut pas dire. Ouais. Moi, je vais... Dès que tu peux être sûr, c'est que moi, je vais apporter le sans-papier. Et plus que ça. Mais je sais qu'il y a des plans de filet. Il y a des plans aussi de passer un message en boule de neige, c'est-à-dire que chaque personne rencontre trois personnes en lui demandant de transmettre un message pour faire comprendre aux gens qu'on est ici pour la régularisation de tous les sans-papiers. Mmh. Et si ça arrive à traverser toute la manif, ça veut dire que tous les gens qui sont là savent pourquoi ils sont là. Et ça, c'est une manière... Un grand progrès dans les manifs, pour savoir pourquoi on manifeste. Non, mais tu rencontres aussi, tu défends, tu partages un point de vue, tu commences à construire une intelligence collective. Mmh. Les manifs, tout le monde qui connaît les manifs sait que c'est un endroit de rencontre, de tractage, de discussion. Tout à fait. Des gens que tu n'as plus vus depuis longtemps, les familles, les... Est-ce qu'on a encore d'autres trucs à annoncer on est en train d'oublier les plus importantes. Ben ouais. La manifestation nationale, c'est dimanche 17 juin. Et c'est gare du midi à 14h30. Voilà. C'est gare du midi. Alors là, je trouve que tu lui as un peu pris la parole. Là, quand même. Il était sur sa lancée. C'est gare du midi à 14h30. C'est inadmissible, ça, c'est leader. Et c'est gare du midi à 14h30. Et c'est gare du midi à 14h30. Tais-toi, moi je vais prendre la parole aussi. Repréciser. Le 17 juin. Oh, il n'arrête pas. Je vais, ça va, il a le temps. Je vais préciser pour le plan B, là, parce que tu n'avais peut-être pas l'adresse. En fait, ceux qui veulent y aller, là, pour les ateliers, donc c'est rue de la Caserne. Numéro 37. Numéro 37. Voilà. De 10 à 17h, tous les jours, à partir d'aujourd'hui. Quoi. Voilà. Et là, il y a vraiment une préparation créative de la manif. Avec voilà, tous des trucs récupérés dans les poubelles belges pour susciter par notre conscience collective l'envie de prendre nos responsabilités. Et les sympathisants de sans-papiers, on voulait juste demander si vous avez un petit drap que vous savez que vous n'allez pas l'utiliser ou vous allez le jeter. Donc rendez-vous à rue de la Caserne, numéro 37. On est là et on a besoin de tout. Tous les trucs de recoupe. Ok. Carton, scotch. Des draps. Énergie. Ça, c'est de la récup aussi, hein, de la récup d'énergie. Des stylos, des sourires aussi. Des sourires. Ok. Oui, cette semaine, il y a aussi une conférence. Ah non, je voulais dire encore une chose. Le 22 juin, Non, mais il est insupportable, on ne va plus l'inviter. Je sais. C'est pour ça que j'en parle vite, je dis ce que j'ai à dire. Vous avez dit, il y a aucune chance que je revienne dans cette émission. Le 22 juin, il y a des gens qui offrent... Tu vois, tous les jeudis, se réunis Frères de Sang sont des commissions artistiques à l'église Saint-Bernard, depuis un an déjà, vers 19h. Et le 22 juin, il y a un groupe qui nous offre de l'accordéon et de la clarinette. Je crois que c'est de la musique tzigane. Juste pour partager, rencontrer là-dessus aussi, quoi. C'est pour dire que nos réunions sont plutôt cool et que si les gens passent par là le 22 juin... 22, ok. Ça ouvre aussi le futur, quoi. C'est un jeudi à 19h. Jeudi à 19h à Saint-Bernard, donc. Voilà. Okay. À Rue de la Source, 83. Mais laissez 83. Parler, Aude. Non, mais personne ne veut me laisser parler. C'est toi. Oui. Donc voilà, en plus, c'est pour un truc qui est peut-être super ennuyeux, mais bon. Le mercredi 13 juin à 19h, voilà, il y a le groupe réfugié, voilà, alors c'est, j'ai jamais réussi à le retenir, c'est le SCI, c'est le Service Civil International. Voilà, merci. Ils sont une chouette bande. Bon, il est utile voilà. Quand même. Et qui ont des projets dans le monde entier. Qui organise une conférence. Donc, quel accueil pour les demandeurs d'asile en Belgique, on se le demande. La vie sous-titrée, la vie au quotidien dans les centres ouverts et centres fermés. Donc, ce qui est déjà un peu une forme de réponse. Bon, si vous avez envie d'aller écouter ça et puis peut-être d'apporter une autre réponse aussi à genre de, à la question de l'accueil des demandeurs d'asile en Belgique, c'est alors rue Van Helewijk. Alors, j'espère que je prononce bien Helewijk. Au numéro 35, donc à Excel. L'entrée est gratuite. Par contre, il vaut mieux réserver. Et là, il y a un numéro de téléphone. Vous pouvez appeler au 02 649 07 38 ou alors envoyer un mail à sci@scibelgium.be. Donc sci@scibelgium.be. Ça, c'est pour réserver. Ça, c'est pour réserver, ouais. Eh bien, l'émission touche à sa fin. On a encore le temps de dire quelques mots. Moi, je voulais remercier depuis le début la rencontre, que ce soit avec Frères de Sang, avec l'Église ou avec cette émission, la manière dont Radio Panique accueille ce qui se passe de manière très objective et surtout très douce. Ah ben, moi, je voulais dire que ça nous fait extrêmement plaisir de vous avoir tous les deux ce soir sur ce plateau et qu'il est à vous. Et vous pouvez y revenir quand vous voulez. On va foutre le bordel. À plus. Sans papier, si vous voulez. On s'en fout. Vous êtes les bienvenus. Cette émission est rediffusée. Vous l'écoutez aujourd'hui, lundi. Il est 8h. Elle se termine. C'est tous les lundis à 19h. Et elle repasse sur Radio Campus 107.2. Le lundi à 14h30, si je ne me trompe. Et elle passe aussi sur Panique. Elle repasse le vendredi matin à 9h. Vous pouvez, si vous avez des choses à nous proposer, des questions à nous poser, des trucs à dire, des blagues, des insultes. Ah oui, des insultes surtout. Non, et il y a Couleur Papier qui coordonne aussi toutes les activités culturelles, hein, et qui a un super site à aller voir aussi. Ouais, ça c'est vrai. Qui est vraiment en lien avec tout ça, quoi. Mais c'est parce que. J'ai pas fini. Je voulais donner l'adresse de l'émission. Vous pouvez nous écrire à papier@radiopanique.org. Et le site de Radio Panique aussi sur lequel vous pouvez réécouter ces émissions en ligne, c'est radiopanique.org. Ben voilà, à lundi prochain.